إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver, mes très chers frères, dans ce début du mois béni, le mois de Ramadan, de l'année 1440 de l'Hégire, afin de parler de quelques mérites de ce mois et également le mérite de certaines œuvres, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Tout d'abord, je vous félicite par l'arrivée du mois de Ramadan, car Nabi alayhi salatu wassalam, quand il annonçait à ses compagnons radiallahu anhum l'arrivée de Ramadan, comme ceci est rapporté dans le hadith Abi Huraira, qui a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah, Nabi alayhi salatu wassalam, quand est arrivé le mois de Ramadan, il a dit قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانِ افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ من حرم خيرها فقد حرم. Donc il leur disait, alayhi salatu wassalam, il vous est venu un mois béni, qu'Allah Azza wa Jal vous a prescrit son jeûne, dans lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, dans lequel sont enchaînés les shayatin. Et dans ce mois, une nuit meilleure que mille mois. Celui qui est privé de son bien, c'est lui qui en réalité est privé. Et Allah Azza wa Jal, également comme cela est cité dans un hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a des périodes dans l'année qui sont plus méritoires et dans lesquelles les adorations ont plus de mérite, telles que la période du mois de Ramadan. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. Jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous ordonne de faire le bien tout le temps, et en particulier de s'exposer à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et à ses offrandes pendant les périodes qui sont plus méritoires. Et ces offrandes, Allah Azza wa Jal, il les accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Il les accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc, Ramadan, comme vous savez, le mois du jeûne, un pilier de l'islam, une de ses plus grandes obligations, Et le jeûne, comme les savants le définissent, il est composé de deux choses qui représentent les piliers du jeûne. Le jeûne, c'est de s'abstenir de toutes les choses qui annulent le jeûne avec une intention. Avec une intention. C'est-à-dire avec l'intention de jeûner. Car la personne peut s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne sans que son acte soit considéré comme un jeûne. Elle le fait pour se préserver, pour la santé ou pour autre raison. Mais le jeûne, il doit être tout d'abord avec une intention d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un jeûne obligatoire ou jeûne surrogatoire. Et ensuite, délaisser et s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Manger, boire, les relations intimes, ainsi que tout ce qui annule le jeûne. Du lever ou de l'entrée de salat subh depuis le deuxième fajr, al-fajr al-sadiq, l'aube véridique, depuis ce moment, c'est-à-dire le moment de salat subh, début de salat subh, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le disque solaire se cache pendant cette période, d'observer, de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Avant de rentrer dans les détails, il y a une règle très précieuse, une règle en or que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah a déduit d'un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam était interrogé sur plusieurs adorations. Quels sont les meilleurs des pèlerins? Quels sont les meilleurs des prieurs? Quels sont les meilleurs des jeûneurs? Et qui sont les meilleurs des prieurs, qui sont les meilleurs des jeûneurs, qui sont les meilleurs des pèlerins, et ainsi de suite. Qui sont les meilleurs de ceux qui combattent dans la voie d'Allah, dans le sentier d'Allah? Et à chaque fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, sa réponse était identique. À chaque fois, il disait, ce sont ceux qui évoquent et qui font le rappel d'Allah le plus dans leur jeûne, dans leur pèlerinage, dans leur prière, et ainsi de suite. Donc la règle que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah a tirée de ce hadith, c'est que les meilleurs dans chaque adoration, ce sont ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal le plus dans cette adoration. Donc, tous les musulmans jeûnent. Mais comme on le constate, le jeûne varie d'une personne à une autre, et également la récompense. Quelqu'un qui va dormir la plupart du temps pendant sa journée, il n'y a personne parmi les hommes de science qui lui ordonne de rattraper son jeûne. Mais est-ce que celui-là, il va être comme dans la récompense, il va être comme quelqu'un qui a lu dans une journée de jeûne, il a lu 5 hizb, 10 hizb, 15 hizb, le Coran en entier, comme le faisaient beaucoup parmi salaf, est-ce qu'ils seront égaux dans leur récompense? Quelqu'un qui a rempli son jeûne avec dhikr, quelqu'un qui a rempli son jeûne, yani pendant sa journée de jeûne, il faisait les prières obligatoires dans les mosquées, il faisait également les prières surrogatoires. Bien évidemment, l'écart entre les deux, c'est comme entre le ciel et la terre. C'est pour ça, je vous recommande, ainsi qu'à ma personne, de profiter pleinement de ces journées. Et regardez la vitesse à laquelle passent les journées de Ramadan. et à laquelle passe également notre durée de vie. C'est pour ça, celui à qui Allah Azzawajal a voulu du bien, tu le trouveras pendant ce mois de Ramadan. Il ne laisse pas une voie du bien sans l'exploiter. Alhamdulillah, les voies du bien dans notre religion sont nombreuses. Il n'y a pas uniquement comme adoration, as-salat, qira'at al-Qur'an. Il y a énormément d'adoration. Et chacun, selon sa situation, il peut faire des adorations qui le rapprochent d'Allah Azzawajal et qui rend plus méritoire son jeûne. Et qui rend son jeûne plus récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Après, comme on va le voir, bi'idnillah, il y a des adorations sur lesquelles il faut mettre l'accent, en particulier pendant le mois de Ramadan. C'est des adorations que le croyant doit accomplir toute l'année. Mais pendant le mois de Ramadan, elles ont un mérite particulier, exceptionnel. Le Nabi alayhi salatu wassalam a été rapporté de lui comme dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Kullu amal ibn Adam lah al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhaf » قال الله عز وجل « Illa الصيام » فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Ce hadith immense dans tous les sens qu'il contient. On va essayer بإذن الله dans ce rappel. On va essayer de s'arrêter sur quelques fawa'id que l'imam Ibn Rajab al-Hanbali a cité dans son livre « La Ta'if al-Ma'arif » par rapport à ce hadith. Donc, le Nabi alayhi salam, premièrement, comme vous le constatez, comme vous l'avez constaté, dans ce hadith, il y a une parole de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit « Allah Azza wa Jalla a dit ». Donc, à partir de là où il dit « Allah Azza wa Jalla a dit », c'est ce qu'on appelle « Hadith al-Qudusi ». « Hadith al-Qudusi ». Le Nabi alayhi salam dit « Kullu amal ibn Adam lah » Toutes les œuvres qu'accomplit le fils de Adam sont pour lui. Et sur ces œuvres-là, il est récompensé الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. Il est récompensé pour chaque bonne action au minimum 10 fois, et ça peut arriver jusqu'à 700 fois. Donc ça, c'est une règle qui concerne les adorations, toutes les adorations excepté le jeûne, c'est-à-dire la multiplication et le doublement de la récompense par un nombre déterminé, 10 jusqu'à 700 fois. C'est pour ça, il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Excepté le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui récompense pour le jeûne. C'est moi qui donne la récompense pour le jeûne. Donc quand le Nabi alayhi salatu wassalam il dit, quand Allah azza wa jalla il dit, excepté le jeûne. Quand il dit, excepté le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette exception faite au jeûne? Et quelle est cette particularité qu'a le jeûne le jeûne de manière générale. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Donc par rapport à ça, il y a trois significations qui ont été données selon les versions de ce hadith. Car il y a une version de ce hadith dans laquelle le prophète عليه الصلاة والسلام dit كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. Toutes les œuvres du fils de Adam sont pour lui, excepté le jeûne. Il est pour moi. C'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version de Al-Bukhari, rahimahullah, il dit لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. Chaque œuvre est une expiation. Excepté le jeûne, il est pour moi, c'est moi qui récompense pour le jeûne. Et dans une version de l'imam Ahmad, il a dit كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. Donc dans le même sens, donc toutes les œuvres peuvent être des expiations, excepté le jeûne. La première signification qui a été donnée de ce hadith et de cette exception faite au jeûne, c'est que le jeûne ne rentre pas dans cette multiplication et dans ce doublement de la récompense par un nombre déterminé. Mais il est rétribué par une multiplication, yani un doublement par un nombre non déterminé. Car le jeûne, comme vous savez, est le mois de Ramadan. Le prophète عليه الصلاة والسلام l'a appelé le mois de la patience et de l'endurance. Le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. Le jeûne du mois de la patience et trois jours de chaque mois font partir وحر الصدر. C'est-à-dire, ça retire toutes les maladies du cœur. Jeûner le mois de Ramadan et trois jours par mois, ça purifie le cœur de toutes les maladies, de la tricherie, de la tromperie, des suggestions sataniques, de l'enviosité, de la haine, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un traitement du cœur qui permet de guérir le cœur. Et qu'est-ce qu'on a besoin, mes frères, et je parle de moi le premier, Wallah, et qu'est-ce qu'on a besoin de remède pour notre cœur et pour les maladies du cœur? Car comme vous savez, les adorations du cœur sont beaucoup plus méritoires que les adorations des membres. Et ceci n'est pas un appel à négliger les adorations de l'apparence et des membres, mais pour placer chaque chose à sa place et donner à chaque chose son statut. Les adorations du cœur sont beaucoup plus méritoires que les adorations des membres. N'est-ce pas al-khushu' dans salat? C'est son âme. N'est-ce pas l'objectif du jeûne? C'est d'atteindre la piété et la crainte d'Allah Azza wa Jal, et ainsi de suite. Et de la même manière, les péchés du cœur sont beaucoup plus graves que les péchés de l'apparence. Les péchés du cœur sont beaucoup plus graves que les péchés de l'apparence, tels que l'enviosité et vouloir le mal pour son frère, et ainsi de suite. L'orgueil, al-ujb, avoir de l'estime pour soi-même, et ainsi de suite, de ces péchés qui sont beaucoup plus dangereux pour le croyant et pour sa religion que les péchés de l'apparence. Donc le jeûne, la période du jeûne de Ramadan, c'est une période dans laquelle le croyant doit essayer d'éduquer sa personne et son nafs, comme on va le voir, bi'idhnillah. C'est une éducation pour nous, pour nafs, et pour s'habituer à faire le bien. Car la période de 30 jours ou 29, selon le mois, c'est une période suffisante pour s'habituer à faire le bien et à s'écarter du mal. Et à avoir les adorations des hommes pieux, tels que Qiyam al-Layl et la récitation du Qur'an et Salat en groupe. Et également s'abstenir de tout ce qui nuit au jeûne. Donc faire cela pendant 30 jours et forcer sa personne et son nafs sur cette pratique pendant autant de jours, ça devrait être suffisant bi'idhnillahi ta'ala pour garder une bonne pratique après le passage du mois de Ramadan. Et ça, c'est parmi les secrets, les plus grands secrets de ce mois. Parmi les plus grands secrets de ce mois de Ramadan. Donc le premier sens, c'est ce que j'ai cité, c'est que le jeûne ne rentre pas dans la multiplication, qui est connue pour toutes les adorations. Chaque adoration est rétribuée 10 fois jusqu'à 700 fois. Mais le jeûne ne rentre pas dans cette multiplication. C'est pour ça, il y a certains parmi salaf qui ont dit que les anges, les scribes, n'écrivent pas la récompense du jeûne. Il n'y a que Allah qui la connaît. Et cette récompense du jeûne, elle est tirée du hadith que j'ai cité, que c'est le mois de la patience. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, les endurants sont rétribués et obtiennent leur récompense sans compter. Et dans le hadith également, il est cité qu'Allah Azza wa Jalla fera venir les adorateurs le jour du jugement dernier. Les gens de la salat, les gens de zakat, de sadaqa, il donnera à chacun sa récompense. Ensuite, il fera venir les patients et les endurants. Et il leur donnera, qu'on versera sur eux la récompense sans compter. Donc, ils ont tiré ça de ces textes. Le deuxième sens, qui a été donné à ce hadith, pourquoi Allah Azza wa Jalla a spécifié le jeûne par le fait qu'il soit pour lui? En dehors de toutes les autres adorations du serviteur. Cette particularité du jeûne, car le jeûne, yani, il l'a spécifié en dehors de toutes les adorations. Ça, c'est le deuxième sens. Car le jeûne, il contient un secret que tu ne trouves pas dans les autres adorations. Le jeûne est un secret entre le serviteur et son seigneur. Et personne ne peut voir ton jeûne, c'est-à-dire la réalité de ton jeûne. Certes, tu t'abstiens dans l'apparence quand tu es avec les gens. Mais le jeûne, il est composé de deux choses. Une intention cachée que ne voit que Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose apparente qui est le délaissement de toutes les envies pendant la période du jeûne. Et c'est connu que ces envies, le serviteur les fait, il fait ses envies, telles que manger et boire et les relations intimes, il les fait en cachette de manière générale. Il ne s'expose pas aux gens pour manger. Manger dehors, c'est Ça peut être, selon les sociétés, parmi Khawarim al-Muru'a. Yani les choses desquelles doit s'écarter l'homme de science, Talib al-Ilm, et ainsi de suite. Et qui touche à son intégrité, s'il les fait. C'est ce qu'on appelle Khawarim al-Muru'a. Et comme le jeûne, il était composé de ces deux choses, et que le serviteur, il peut montrer devant les gens qui jeûnent, et quand il est en cachette, il mange. C'est pour ça l'imam Ahmad rahimahullah a dit, dans le jeûne, il n'y a pas d'ostentation. Dans le jeûne, il n'y a pas d'ostentation. Bien évidemment, on parle du jeûne obligatoire. Mais le jeûne surrogatoire, comme toutes les adorations surrogatoires, la règle de base, c'est que le serviteur doit les cacher. Et Hassan al-Basri rahimahullah a dit, j'ai rencontré des hommes, il parle de Sahaba radiallahu anhu, j'ai rencontré des hommes qui cachaient leurs bonnes actions plus que vous cachez vos mauvaises actions. Ils cachent le hasanat plus que vous cachez sayyat, il parle de tabi'in. Et on peut arriver à des époques où les gens ils cachent même pas sayyat, ils se vantent d'avoir fait des sayyat wal iyad billah. Également un deuxième sens dans le jeûne qui le caractérise des autres adorations, c'est que dans le jeûne il y a un délaissement des envies. Que le nafs et que dans la nature humaine saine, le serviteur y penche vers ces choses-là, telles que manger, boire. Ça a été ancré dans l'être humain, un penchant et un amour de ces choses-là. Et quand l'envie augmente de ces choses-là, tout en étant capable de les avoir, il a tellement faim, il a tellement soif, et il est capable de boire et de manger. Il est capable de le faire à un endroit où personne ne va le voir, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a délaissé ces choses-là, malgré cette capacité de les avoir, et malgré cette grande envie de les avoir, ça, c'était un signe de l'authenticité de la foi du serviteur. كان هذا دليلا على صحة الإيمان. Donc ça, c'est le deuxième sens de cette particularité du jeûne. Et le troisième sens, il a été tiré des versions que je vous ai lues, que le jeûne, que toutes les adorations sont des expiations, excepté le jeûne, c'est que le serviteur qui arrive devant Allah Azza wa Jalla, comme vous le savez, en ayant commis des injustices, en ayant insulté celui-là, et critiqué à tort celui-là, et en ayant fait de la calomnie et de la médisance envers son frère, et en ayant volé l'argent de son frère, et des choses de ce genre, devant Allah Azza wa Jalla, il devra rendre les droits aux ayants droit. Et ce jour-là, il n'y aura ni dirham, ni dinar, ni pièce en or, ni pièce en argent. Il n'y aura pas de monnaie, ni de billets. La monnaie de ce jour-là, c'est les hasanat et les sayyat. Allah Azza wa Jalla donnera de ces hasanat proportionnellement au mal qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il ait plus de hasanat. Ensuite Allah Azza wa Jalla il prend des sayyat de ses adversaires et il lui donnera de leurs sayyat. Ça c'est valable pour toutes les adorations et pour toutes les œuvres pieuses, excepté les hasanat du jeûne. Excepté les hasanat du jeûne. Quand Allah Azza wa Jalla, et la meilleure chose qui a été dite par rapport à ça, c'est une parole de Soufiane Uyayna rahimahullah, en se basant sur le hadith que je vous ai lu tout à l'heure. C'est que quand le serviteur a des droits, doit donner des hasanat, et qu'il n'est plus de hasanat, excepté les hasanat du jeûne, Allah ne donne pas à ses adversaires de ses hasanat, subhanallah, de ses hasanat du jeûne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne lui-même, et il lui garde son jeûne intact. Il lui garde la récompense de son jeûne intact. Subhanallah. Ça démontre la place du jeûne et le statut, le mérite du jeûne. Également, les trois, donc fin de ces sens que l'imam de Rajab Rahimallah a cité. Un autre point important à retenir, comme vous savez, le jeûne, la patience est de trois catégories. Sabrun ala ta'a, wa sabrun ala al-ma'siya, wa sabrun ala al-aqdar al-mu'lima. La patience est de trois catégories. Patienter sur l'obéissance d'Allah jusqu'à l'accomplir, et patienter vis-à-vis de ce que Allah interdit jusqu'à s'en écarter, et patienter sur le destin d'Allah Azza wa Jal amer, c'est-à-dire ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a prédestiné de ce qui ne convient pas à notre nefs, des choses qu'on n'aime pas, la mort d'un proche, être touché par la pauvreté, la maladie, ainsi de suite. Et ces trois catégories de patience, vous les retrouvez dans le jeûne. Vous les retrouvez dans les jeûnes. Patientez jusqu'à faire les adorations qu'Allah t'a prescrites pendant ton jeûne, telles que les salawat et ainsi de suite. Patientez pour délaisser ce que Allah Azza wa Jalla t'a interdit pendant ton jeûne également. Que ce soit les choses qui sont autorisées en temps normal et qui sont interdites pendant le jeûne, et de manière plus importante, les choses qu'Allah Azza wa Jalla t'a interdit tout le temps, les péchés. Donc il faut une patience pour s'écarter de tout ça. Et le serviteur, entre parenthèses, est un point très important qu'on doit tirer de notre jeûne. Le serviteur qui délaisse des choses qui sont permises en temps normal à cause du jeûne, et qui ne délaisse pas ce que Allah Azza wa Jalla lui a interdit, c'est comme quelqu'un qui accomplit et qui se réjouit de faire des actes surrogatoires tout en étant dans une négligence des actes obligatoires. Comme ça a dit Ibn Rajab rahimahullah. Regardez cette parabole comme elle est belle et comme elle est forte. Celui qui délaisse les choses qui sont permises en temps normal, il délaisse le manger et la boisson et les relations intimes, alors que c'est autorisé en temps normal, il les délaisse pour Allah Azza wa Jal. Il est plus à même pour lui et plus prioritaire de délaisser ce que Allah Azza wa Jal lui interdit tout le temps, toute l'année, tel que le riba, et le namima. Et je cite souvent ces péchés parce que c'est les péchés qui reviennent le plus souvent dans les journées de jeûne. Au point où l'imam al-Awza'i a été rapporté de lui que le riba annule la récompense du jeûne complètement. Pour réaliser la gravité, mes frères. Certes, Jumhur ulama disent que les péchés n'annulent pas le jeûne, quel que soit ce péché, excepté un péché qui sort de l'islam. Mais sinon, les péchés n'annulent pas le jeûne, mais diminuent sa récompense. Ça, c'est pour Jumhur ulama. Mais je vous ai cité cette parole de l'imam al-Awza'i, qui est le grand imam de Sham, pour réaliser la gravité de Riba. Et ceci est rapporté de Aïcha radiallahu anha également. C'est pour ça, comme tu fais attention à ne pas boire et à ne pas manger, et t'as bien fait, également, et même de manière plus prioritaire et plus importante, fais attention à ton jeûne et à sa récompense, et écarte-toi de tout ce qui peut diminuer ta récompense. Une autre faïda, la multiplication et le doublement de la récompense est lié à plusieurs paramètres. Le premier, c'est le mérite d'une adoration est proportionnel au mérite de la période dans laquelle est accomplie cette adoration. Tel que l'Umra pendant le mois de Ramadan a la récompense qu'elle n'a pas en dehors de Ramadan. Nabi alayhi salatu wa sallam a dit « Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i » Une Umra accomplie pendant le mois de Ramadan est égale dans la récompense à un pèlerinage accompli avec moi, avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Le deuxième paramètre, c'est le mérite du lieu, sharaful makan. Salat dans le haram, c'est pas comme salat en dehors du haram. Dans le haram al-makki, une salat est meilleure que 100 000 salats. Et dans le haram al-madani, une salat est meilleure que 1000 salats en dehors du haram. Également, le mérite de celui qui œuvre lui-même. L'adoration accomplie par un savant qui a la crainte d'Allah Azzawajal et qui a la science, c'est pas comme l'adoration accomplie par un ignorant. Et tous les deux sont rétribués, mais le mérite de l'adoration de l'alim, alladhi yakhsha Allah wa yattaqih, laysa ka ibadati al-jahil. Donc le Nabi alayhi salatu wa sallam a dit kullu 'amal ibn adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f qala Allah 'azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Donc excepté le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui donne sa récompense. Ensuite Allah 'azza wa jalla dit إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. Il a délaissé ses envies et sa nourriture et sa boisson pour moi, pour Allah Azza wa Jalla, il l'a fait. Et dans le fait de délaisser ses envies pour Allah Azza wa Jal, pendant le jeûne, il y a plusieurs fois que les hommes de science citent. Je vais en citer quelques-unes. Kasrun nafs. La première, parmi les profits et les intérêts du jeûne pour le serviteur, en plus que ce soit un pilier de l'islam, une adoration obligatoire avec laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, conformément à la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Mais il y a des profits que le serviteur tire du jeûne que tu ne trouves pas dans d'autres adorations, tels que kasrun nafs, car le jeûne, ça permet d'éduquer l'âme et de la rendre humble, contrairement au shiba, contrairement à quand est rempli, à la satiété, quand le serviteur y mange jusqu'à se remplir, il boit de toutes les couleurs des nourritures. Ça, au contraire, ça donne yani, une certaine force qui peut se transformer en un mal. C'est pour ça qu'ils ont dit, Hassan al-Basri, ils lui ont dit, quelle est la chose qui fait rentrer le plus rapidement al-huzn dans le cœur, la tristesse. Qu'est-ce qui fait rentrer le plus rapidement la tristesse et la crainte d'Allah dans le cœur? Il a dit al-jou', la faim. Rahimahullah. Donc qu'est-ce qui fait rentrer le plus rapidement la tristesse dans le cœur? Il a dit al-jou'. Contrairement au shiba, la satiété, ça donne l'inverse. Celui qui mange beaucoup, il boit beaucoup, il dort beaucoup. Également, ça permet, comme il a dit Ibn Rajab rahimahullah, takhalli al-qalb lil-fikr wa al-dhikr. C'est que ça libère le cœur. Le jeûne, ça permet de libérer le cœur pour la méditation et le rappel d'Allah Azzawajal. Contrairement à la satiété qui donne la dureté du cœur et qui donne l'insouciance pour le serviteur et la distraction, le ghafla. Au point où le serviteur peut devenir esclave de ses envies, comme bien même c'est des envies permises. Mais l'homme sage, il prend de cette dunya ce qui lui suffit pour adorer Allah Azza wa Jal. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Ça suffit au fils de Adam quelques bouchées qui lui permettent de tenir debout. Également parmi les profits attirés du jeûne, c'est que le riche, il réalise le bienfait d'Allah Azza wa Jal avec la richesse. Ce riche qui va s'abstenir de manger et de boire pendant un certain nombre d'heures du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil de manière volontaire, ça lui permet de se rappeler le pauvre que lui, il jeûne, comme lui il s'abstient, il se prive de manger et boire, lui, il le fait malgré lui, et non pas choisi. Et ça peut être pendant des périodes beaucoup plus longues que cette période-là. Donc il se rappelle le besoin des pauvres et également il réalise le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur lui. Car le serviteur, quand il est souvent dans une ni'ma, il peut oublier que c'est une ni'ma. Tellement il s'habitue à cette ni'ma et ça devient quelque chose de banal pour lui. Également le jeûne permet de rétrécir et de resserrer les vaisseaux sanguins. Comme vous savez, les vaisseaux sanguins, c'est dans ces vaisseaux que circule Shaytan. Shaytan yajri min ibn Adam majra ad-dam. Il circule dans les vaisseaux sanguins. Et le fait de jeûner, ça permet de les rétrécir. C'est pour ça dans une riwaya, il nous a été ordonné de rétrécir pour Shaitan l'endroit par lequel il circule, à savoir les vaisseaux sanguins. Et c'est pour ça que tu constates que les gens qui sont touchés par le mas, qu'Allah les guérisse tous, qu'Allah guérisse tous nos frères et sœurs qui sont touchés par le mas. Tu trouves que parmi les adorations les plus difficiles pour eux, c'est le jeûne. Parmi les adorations les plus difficiles pour lui, le jeûne. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit dans ce hadith, للصائم فرحتان وعفوا لا ça va devenir la parole du prophète عليه الصلاة والسلام car ce hadith il est composé de la parole d'Allah et de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام les deux sont révélations de la part d'Allah mais le hadith prophétique les termes sont les termes du prophète عليه الصلاة والسلام et uniquement le sens est révélé par Allah contrairement au hadith qudsi le hadith qu'ils appellent divin, les termes et les sens proviennent d'Allah Azza wa Jalla, comme dans le Coran, mais ce n'est pas du Coran. Il n'a pas les mérites du Coran. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ Le jeûneur a deux joies. Une joie quand il rompt son jeûne et une joie à la rencontre de son Seigneur. Quand il rencontre son Seigneur, la joie de la rupture du jeûne, c'est une joie instinctive, naturelle. Car le jeûneur qui s'est privé de choses vers lesquelles son nafs penche et que son nafs aime, quand il lui est autorisé de les manger et de les prendre, ça lui procure une joie. Donc ça, c'est la joie quand il rompt son jeûne. Et en plus, il s'est abstenu de manger pour Allah et il va manger pour Allah Azza wa Jalla également. Donc c'est une adoration de plus. Ça, c'est une autre raison de cette joie. Et même, les serviteurs les plus aimés par Allah et les jeûneurs les plus aimés par Allah Azza wa Jalla, c'est ceux qui se précipitent à rompre leur jeûne. Bien évidemment, ils se précipitent pas avant l'heure, mais en début d'heure, à laquelle c'est autorisé de rompre le jeûne. C'est-à-dire quand le disque solaire s'éclipse totalement. Et pas quand arrive la nuit. Et parmi les signes de la fin des temps, c'est que les gens vont rompre leur jeûne quand les étoiles vont apparaître. C'est-à-dire quand il va faire nuit. Et ça, c'est contraire à la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Également, cette joie au moment de la rupture de son jeûne, car le jeûneur espère qu'il se fasse pardonner ses péchés et de gagner l'agrément et la satisfaction d'Allah par cette adoration. Et il espère également l'exaucement de son invocation, comme il est cité dans le hadith. Le jeûneur a une invocation exaucée jusqu'à rompre son jeûne. C'est-à-dire pendant toute sa journée, ses invocations sont exaucées. Ces invocations sont exaucées pendant la journée de jeûne, jusqu'à la rupture du jeûne. Et ça ne veut pas dire, yani, qu'il va attendre au moment où il va rompre le jeûne, et c'est là où il va faire dua. Il peut faire dua, mais le sens du hadith, c'est que l'invocation est exaucée jusqu'à la rupture du jeûne, pendant toute la journée du jeûne. Et au moment où il rompt son jeûne, et ça on va en parler plus dans les détails, bi'idhnillah, dans les cours qui concernent les règles du jeûne, au moment où il rompt, après avoir mangé quelques dattes de préférence, dattes fraîches, s'il en trouve, sinon des dattes, sinon de l'eau, sinon n'importe quelle autre chose, et s'il trouve rien, il rompt son jeûne avec l'intention. Donc, après avoir rompu son jeûne, il fait du'a. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Et les savants disent qu'il peut le faire même un peu avant. Car ce qui est cité dans cette dua va arriver avec la rupture, quand bien même ce n'est pas encore arrivé. Et une joie quand il rencontre son Seigneur, quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Cette joie, c'est due à toute la récompense qu'Allah azza wa jalla lui réserve pour son jeûne. Donc le jeûneur a deux joies. Une joie quand il rompt son jeûne, parce qu'Allah azza wa jalla, il se réjouit qu'Allah lui a permis de jeûner et de finir cette journée de jeûne. Et toutes les autres causes que j'ai citées, et également une joie quand il va rencontrer Allah. Il va voir la récompense du jeûne. L'immense récompense qu'Allah donne pour le jeûne. Ensuite, il a dit وَلَا خُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. La khulouf. Khulouf, c'est avec dhamm. Chez la plupart des savants, mais il y a des savants qui voient qu'on peut la dire avec le fatih également. La khulufu. Mais la plupart des savants, même il y en a qui voient que c'est une erreur de dire khalouf, tel que le khattabi et autres. Wala khulufu fami sa'im. L'odeur de la bouche du jeûneur, est plus parfumée et plus bonne auprès d'Allah que l'odeur du misk. Ici, il y a une comparaison qui est faite par les savants par rapport à ce hadith et justement par rapport à cette odeur de la bouche qui a été décrite ici comme étant plus parfumée et meilleure que l'odeur du misc et par rapport au son du martyr qui a été décrit pour avoir l'odeur du misc. Donc ici vous constatez qu'il a dit plus parfumée et meilleure. Et l'autre, elle est comme le misc. Ça veut dire que l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que le sang du martyr. C'est la déduction que les savants ont fait, entre autres Ibn Rajab rahimahullah. Mais ceci ne veut pas dire que le jeûneur est meilleur que le martyr. Car avoir un mérite d'un point de vue ne veut pas dire avoir tous les mérites et le mérite de tous les points de vue. Vous savez que Ibrahim alayhi salam sera le premier vêtu dans le jour du jugement dernier. Donc de ce point de vue, il est meilleur que tous les autres prophètes. Mais celui qui est meilleur de manière générale et absolue, c'est-à-dire de tous les points de vue, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc avoir un mérite d'un point de vue ne veut pas dire forcément avoir le mérite de tous les points de vue. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait de œuvrer en fonction du mensonge, c'est-à-dire il ne délaisse pas les paroles mensongères et de mettre en pratique ces paroles mensongères. Car le serviteur, il peut mentir seulement. Il peut mettre en pratique un mensonge Il prend un mensonge de quelqu'un et il fait des jugements selon ce mensonge. Donc il a mis en pratique le mensonge. Et il peut faire les deux, wal'iyadhu billah, mentir et donner des jugements basés sur le mensonge. Donc Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a cité tout cela, toutes ces catégories dans cette parole. Il a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et la mise en pratique du mensonge et dans une autre version, al-jahl, les sottises, celui qui ne délaisse pas les sottises. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَيَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Alors Allah Azzawajal n'a que faire de son délaissement, de sa nourriture et de sa boisson. Ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari sur hadith. Donc celui qui délaisse, comme on a vu précédemment, des choses qui sont permises en temps normal, s'il ne délaisse pas ce que Allah Azzawajal lui a interdit, alors Allah Azzawajal n'a que faire de son jeûne. C'est-à-dire son jeûne n'a pas de mérite. Et il peut arriver à ne pas être récompensé sur son jeûne du tout. Quand bien même, il ne lui est pas ordonné de rattraper la journée de jeûne, mais il n'a pas de récompense, c'est comme quelqu'un qui n'a pas jeûné. Dans un autre hadith, Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa siyamu min al-ta'am wa al-sharab, innama siyamu min al-laghwi wa al-rafath » Le jeûne, c'est pas le délaissement, c'est pas uniquement le délaissement de la nourriture et de la boisson, mais le jeûne, c'est le délaissement des paroles, des futilités et des paroles obscènes. Al-rafath, ici, c'est le qawl al-fahish. Al-rafath, ça peut venir avec plusieurs sens. Les rapports, les préliminaires, les paroles obscènes. Mais ici, ce qui est voulu, c'est les paroles obscènes. Et le sens de ce hadith, que m'a dit Ibn Battal dans Fath al-Bari, le hadith ne veut pas dire qu'on doit ordonner à quelqu'un qui ne délaisse pas ces choses-là de ne pas jeûner. Mais ça, c'est un style connu chez les Arabes pour montrer la gravité de ses actes, à savoir qawl az-zur, toutes les paroles mensongères, tout ce qui n'est pas vérité, ou les paroles basées sur l'ignorance. Et également les paroles futiles et les paroles obscènes, tout ce qui nuit au jeûne. Certains parmi les salaf ont dit أهون الصيام ترك الشراب والطعام. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit le plus facile du jeûne, le jeûne le plus facile c'est quoi? C'est de délaisser la nourriture et la boisson. Tout le monde arrive à faire ce jeûne. Comme vous savez, même il y a des koufars qui font ce jeûne comme remède. Mais le jeûne méritoire, le jeûne aimé par Allah Azza wa Jalla, c'est le jeûne dans lequel sont réunis à la fois le délaissement de ses envies et également le délaissement de ce que Allah a interdit. Tout ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. Jabir ibn Abdillah, le grand compagnon radiallahu anhu, a dit « Quand tu jeûnes, que ton oui et que ta vue et que ta langue également qu'ils jeûnent, c'est-à-dire qu'ils s'abstiennent. » Le jeûne, linguistiquement, ça veut dire l'abstinence. Que ta langue et ton oui et ta vue s'abstiennent du mensonge et des interdits et délaissent les nuisances aux voisins et aie dans ta journée de jeûne une sérénité. Sois serein pendant ta journée de jeûne. sois calme, pas comme ceux qui, quand ils jeûnent, ils s'énervent pour rien. Et quand tu lui demandes, il te dit, je suis en jeûne. Le jeûne, ça doit donner un apaisement du cœur. Le jeûne dans lequel tu as lu plusieurs hizb de Qur'an, tu as fait plusieurs salawat, tu t'es éloigné des interdits. Ça, c'est pas un jeûne qui te met en colère. Ça, c'est un jeûne qui t'apaise et qui te donne une sérénité que tu connais pas dans les autres jours dans lesquels tu jeûnes pas, normalement. Et ensuite, il a dit, radiallahu anhu, et que ta journée de jeûne ne soit pas semblable à ta journée de non-jeûne. C'est-à-dire, les journées où tu jeûnes pas et les journées où tu jeûnes, ils ne doivent pas être similaires, normalement, semblables. C'est une journée dans laquelle il y a plus de piété, plus de crainte d'Allah, plus d'adoration. Normalement, ça te rend meilleur à tous les points de vue. Dans ce hadith qui a été jugé bon, qui a été jugé authentique par l'imam Al-Albani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rubba sa'imin hafzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash wa rubba qa'imin hafzuhu min qiyamihi al-sahar » Combien de jeûneurs, c'est-à-dire combien ils sont nombreux. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit combien ils sont nombreux les jeûneurs qui n'ont de leur jeûne que l'abstinence, que la faim et la soif. Ils n'ont de leur jeûne que la faim et la soif. C'est ça le jeûne pour lui. Et combien de prieurs, la prière de lui, qui n'ont de leur prière nocturne que le fait d'avoir veillé la nuit. Il n'a ni khushu, ni concentration. Allah musta'an. Donc le jeûneur qui a délaissé pendant ce mois de Ramadan, qui a délaissé tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a interdit, de jour comme de nuit, et qui a multiplié les adorations par espoir d'arriver à la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui-là, son jour de Eid, c'est le premier Shawwal. Le premier Shawwal, c'est son jour de Eid. Contrairement au jeûneur, yani le jeûneur dans le sens abstinence, celui qui s'abstient toute sa vie de ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, celui-là, son Eid, c'est le jour où il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour où il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, quand ils ont dit à un parmi les salaf, Wallah alam, c'est Bishr al-Hafi, qu'il y a des gens qui adorent Allah uniquement pendant Ramadan. Il a dit, bi'sa al-qawm. Yani, il les a blâmés. C'est des mauvais qui n'adorent Allah que pendant le jeûne, pendant le Ramadan, le mois de Ramadan. Car le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois. Et celui qui doit être adoré pendant Ramadan, c'est celui qui doit être adoré pendant les autres mois. Mais dans Ramadan, on multiplie les efforts et on double les efforts pour le mérite de la période. Le Nabi alayhi salatu wa salam, comme c'est rapporté de Abdullah ibn Abbas, et avec ça on va terminer bi'idhnillah. Comme c'est rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dans les deux authentiques, il a dit kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu al-quran wa kana jibril yalqahu kull laylatin fayudarisuhu al-quran fala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina yalqahu jibril ajwad bil khayr min ar-rih al-mursalah. وفي رواية لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام de son noble comportement et caractère de tout le temps, c'est la générosité, sa générosité, alayhi salatu wassalam. Il était généreux avec sa science. Il donnait la science aux gens. Il était généreux avec les biens qu'Allah azzawajal lui a octroyés. Il était généreux avec son temps. Il était généreux avec son aide physique, avec tout ce qu'il avait, alayhi salatu wassalam. Mais sa générosité pendant le mois de Ramadan était particulière et dépassait sa générosité dans tous les autres mois. Et il était au maximum de sa générosité suite à sa rencontre avec Jibril alayhi salam, après l'étude et la révision du Coran avec Jibril alayhi salam, car il venait le voir chaque nuit pendant Ramadan pour réviser le Coran. Et au point où il a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, que le Nabi alayhi salam, après la fin de son assise avec Jibril alayhi salam, il était plus généreux que le vent qui pousse les nuages qui font tomber la pluie. Et il a dit également, et il n'a jamais été, on lui a jamais demandé une chose et il l'a refusé. Quand on lui demande tout ce qu'il peut donner, il donne, alayhi salatu wassalam, de sa générosité. Et vous connaissez tous l'histoire de ce Arabi, ce Bédouin, qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il est venu avec l'arrivée d'un butin, d'une ranima de guerre, qui était abondante. Et il a vu un grand troupeau de moutons, au point où ils ont dit que c'était, ça remplissait entre deux montagnes, ce troupeau de moutons. Il a dit au prophète, alayhi salam, donne-moi ce troupeau de moutons. Il lui a dit, prends-le. Et il l'a pris entièrement, il n'a pas laissé une seule brebis. Et il est reparti chez lui, il est devenu un da'iya pour pour sa tribu. Il leur a dit, croyez en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah. Je vous ai venu de la part d'un homme. J'ai'tukum min indi rajulin yunfiqu nafaqata man la yakhafu al-maut ou man la yakhsha al-faqr. Je suis venu de la part d'un homme qui dépense comme la dépense de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. C'est-à-dire tout ce que tu lui demandes, il te donne, même s'il n'a plus rien pour lui. Et c'était une cause de son islam et du fait qu'il est devenu même un da'iya de l'islam. Donc ça, c'est parmi les premiers points qui caractérisent le mois de Ramadan, en plus du jeûne qu'on a vu et en plus de Qiyam al-Layl, à savoir Tarawih ou autre. Pour celui qui n'a pas la possibilité de faire Tarawih dans la mosquée, il prie chez lui. Il prie chez lui. Et s'il ne connaît pas le Coran, il prend, s'il a un outil, un objet pour placer le Coran, de sorte à ce qu'il ait la main de droite sur la main gauche pendant le salat et qu'il ne tient pas le Coran dans sa main, c'est meilleur pour lui. Et s'il n'a pas cette possibilité, il prend le Coran dans sa main. Les savants ont dit qu'il n'y a pas de mal dans les prières surrogatoires. Il prend le Coran, il lit ce qu'il peut lire. Et il fait autant de raka'at qu'il souhaite. Il fait Qiyam al-Layl, s'il ne peut pas le faire dans la mosquée, il le fait chez lui, avec sa famille. Mais les savants disent que Qiyam al-Layl dans la mosquée pendant Ramadan en particulier est meilleur que de le faire chez soi, avec une divergence. Mais en tout cas, c'est une facilité de pouvoir le faire avec une muslimine. C'est une facilité, surtout pour celui qui n'est pas habitué à faire Qiyam al-Layl toute l'année. Yani, ça lui donne l'occasion de le faire avec les gens. C'est plus facile que de le faire seul. Également parmi... Et bien évidemment, yani, la générosité du prophète alayhi salatu wassalam pendant le mois de Ramadan, yani, il y a tellement de profits en cela. Déjà, le mérite de la période et bien évidemment la récompense est plus forte dans une période méritoire, la période de Ramadan. Également, parmi les profits tirés de la générosité pendant le mois de Ramadan, c'est d'aider les jeûneurs et les prieurs et ceux qui invoquent Allah Azzawajal. C'est de les aider dans cette adoration. Ceux qui sont dans le besoin, quand ils sont aidés, ils peuvent mieux faire ces adorations. C'est pour ça, celui qui donne à manger à un jeûneur pour la rupture de son jeûne, il aura la même récompense que lui, sans que ça diminue de la récompense du jeûneur, quoi que ce soit. Également, parmi les profits, c'est que le mois de Ramadan est le mois dans lequel Allah Azza wa Jal accorde sa générosité et sa miséricorde et son pardon et l'affranchissement du feu de l'enfer à ses serviteurs, surtout dans la nuit de l'Qadr, dans la nuit du destin, surtout dans cette nuit. Dans chaque nuit de Ramadan, Allah Azza wa Jal affranchit des gens du feu de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal aime ceux qui lui ressemblent dans ses attributs, à savoir ici l'attribut de la générosité. Également le jeûne. Pendant le jeûne, avoir en plus du jeûne cette générosité, ça permet aux serviteurs de réunir les caractéristiques qui permettent d'aller au paradis. Nabi alayhi salam sallam, quand il a informé que dans le paradis il y a des chambres et des palais dont on voit l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, ils ont dit pour qui, au messager d'Allah? Il a dit pour celui, l'imam tayyab al-kalam, pour celui qui a une bonne parole, qui ne parle pas avec le mal, wa at'ama at'am, et qui nourrit, qui donne la nourriture, ou Adam al-Siyam, et qui jeûne de manière constante et permanente, ou Salla bil-Layl wa al-Nasuniyam, et celui qui prie, qui fait et qui accomplit la prière nocturne pendant que les gens dorment. Donc, ces caractéristiques, celui qui jeûne et qui a la générosité également, Allah lui permet de réunir toutes les qualités. Il prie de nuit, il jeûne, il donne sadaqa et il parle avec une bonne parole. Et toutes ces caractéristiques sont réunies pour le croyant pendant son jeûne. Alhamdulillah. Également, le fait de réunir avec le jeûne la sadaqa, l'aumône, ça permet une expiation plus forte des péchés. Et ceci est cité dans plusieurs hadiths. Également, quand bien même le serviteur il fait attention à son jeûne, il peut y avoir des lacunes et des manquements. Et cette sadaqa, ça permet de les compenser et ça permet l'expiation de ces manquements qu'il a eu pendant son jeûne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été légiféré pour lui à la fin de son jeûne d'acquitter zakat al-fitr, qui est une expiation. Parmi ses sagesses, c'est une expiation du jeûne. Voilà par rapport à la générosité. Al-Qur'an, comme vous savez, le Nabi alayhi salam, pendant Ramadan, il lisait avec Jibril alayhi salam le Qur'an en entier. Et dans la dernière année dans laquelle il est décédé, alayhi salam, il lui a fait réviser le Coran deux fois. Et ce qui est rapporté de Salaf par rapport au Coran, c'est des choses que pour la plupart de nous, je ne dirais pas qu'on ne les fera pas, mais des fois les gens ont du mal à croire que ce soit vrai. combien d'imams parmi les imams de Salaf de qui c'est rapporté authentiquement qu'il lisait le Coran chaque jour en entier pendant Ramadan. D'autres, ils le lisaient dans la journée une fois et dans la nuit une fois. D'autres, tous les deux jours. D'autres, tous les trois jours. Et ainsi de suite. Et Sahaba lisait le Coran toute l'année. Ils le finissaient en sept jours. Il y en a qui le finissaient en trois jours. Mais la moyenne chez eux, c'était de le finir en sept jours. Un jour, ils vont, le premier jour, ils vont lire les trois premières sourates du Coran. Le Baqara, Ali, Imran, Nisa. Le deuxième jour, ils vont lire les cinq sourates qui suivent. Troisième jour, les sept. Quatrième jour, les neuf. Cinquième jour, les onze. Sixième jour, les treize sourates qui suivent. Et le septième et dernier jour, ils lisent de Qaf jusqu'à la fin du Coran. Ce qu'on appelle Mufassal. Ils divisaient le Coran en sept parties, à peu près égal, et il le finissait tous les 7 jours. Ça, c'était la moyenne chez eux. Et d'autres sahaba, tels qu'Abdullah ibn Amr, il le lisait tous les 3 jours. Il le finissait tous les 3 jours. Lui, il voulait le faire tous les jours, mais Nabi al-Sassan lui a interdit. Justement, par rapport à cette interdiction, c'est pour quelqu'un qui le fait tout le temps comme ça. Celui qui lit tout le temps le Coran en moins de 3 jours, il ne le comprendra pas. Comme ça, dit Nabi al-Sassan. Mais le faire pendant Ramadan uniquement ne rentre pas dans cette interdiction, comme ont dit les savants. Voilà mes frères, ça c'est un rappel pour moi ainsi que pour vous. Je demande à Allah Azzawajal de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons et de nous faire profiter de ces exhortations qu'on entend de nos savants et de nos chouyours, de nous aider à les mettre en pratique. Car c'est ça qu'il faut qu'on mette bien, yani qu'on ait bien en tête, c'est de mettre en pratique ces choses-là. Il ne faut pas que ça reste des paroles qu'on entend chaque année, et chaque année c'est pareil. Il faut qu'on mette en pratique, mes frères. Il faut qu'on soit comme salaf. Si vous prenez l'exemple de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, ce grand sahabi, une seule parole a suffi pour qu'il change une pratique, pour qu'il adopte une pratique toute sa vie, jusqu'à quitter cette terre. Il disait de lui, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, que les sahaba, radiallahu anhum, avaient pour habitude, quand quelqu'un faisait un rêve, il venait et le racontait au prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, pour lui expliquer, lui interpréter le rêve. Il a souhaité, si seulement lui aussi, il voyait quelque chose, pour que le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, lui interprète. Jusqu'à un jour, où il a vu dans un long hadith, je le résume rapidement, qu'il était mené au feu de l'enfer, dans le feu de l'enfer, conduit vers le feu de l'enfer, lui, Abdullah ibn Umar. Il a vu ça dans son rêve. Il a été conduit vers le feu de l'enfer, dans lequel il a vu des gens qu'il connaissait. Sallallahu alayhi wa sallam al-afir. Il a vu des gens qu'il connaissait. Et ensuite, quelqu'un a dit, n'aie pas peur. Et ils lui ont changé sa direction. Après, Hafsa, sa sœur, il a raconté à sa sœur Hafsa, qu'il a raconté à son tour, à son époux, le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, ni'ma ar-rajul Abdullah, law kana yusalli min al-layl. Quel homme, Abdullah, si seulement il priait de nuit. Si seulement il priait de nuit. Et là, quand il a fait ce rêve, il était encore jeune. Il était très jeune. Et depuis que le Nabi Al-Sallam a dit cette parole, une seule parole a suffi. Une seule parole. Depuis que le Nabi a dit cette parole, Abdullah ibn Umar, comme il a dit de lui son fils Salim, il a dit, فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. Depuis qu'il a entendu cette parole, il ne dormait de nuit que très peu. Il ne dormait de la nuit que très peu, radiallahu anhu. Voilà mes frères, qu'Allah nous aide à mettre en pratique et à profiter pleinement de ce mois. Wallahi, c'est une occasion. On ne sait pas si Allah Azzajal nous permettra de vivre jusqu'à Ramadan de l'année prochaine. Qui a la garantie de cela? Les secondes sont plus précieuses que l'eau dans les yeux. Je ne dirais pas plus précieuse que l'or, c'est encore beaucoup plus précieux. Faut profiter, exploiter son temps pendant ce mois, et chacun de nous doit se faire un programme. Faut pas rester comme ça dans le désordre. Ce que tu arrives à lire, tu le lis, ce que tu n'arrives pas, c'est pas grave. Faut que tu te fixes une quantité de Coran et que tu la respectes tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc je vous donne rendez-vous pour un deuxième cours, Inch'Allah, qu'on annoncera. Avant le dernier cours, on essaiera de faire trois cours bismillah pendant ce mois de Ramadan. Dans le dernier, on essaiera de le faire juste avant les 10 dernières nuits de Ramadan pour parler de leur mérite et pour parler brièvement également de l'Eid et de ses règles de politesse. Je demande à Allah Azzawajal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous aider et de nous garder sur Tawhid et sur la Sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, de nous maintenir sur le Tawhid et sur la Sunna, le Tawhid pur et la Sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à le rencontrer, de nous utiliser pour le bien de la Ummah, et de nous aider à nous réformer nous-mêmes et à être des réformateurs dans notre umma. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa.